Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la conférence de Pugwash en 1957 et la naissance du mouvement antinucléaire Pugwash. Le prix Nobel de la paix a été décerné au physicien britannique Joseph Rotblat, qui dirige le mouvement antinucléaire Pugwash. M. Rotblat a aussitôt déclaré que son prix constituait un message pour la France, la Chine et le reste du monde. Il a d'ailleurs demandé au président français Jacques Chirac de mettre fin aux essais nucléaires. Réaction de la France, les essais nucléaires dans le Pacifique se poursuivront tel que prévu. En décernant le prix Nobel de la paix à Joseph Rotblat et au mouvement antinucléaire Pugwash en 1995, le comité Nobel a voulu saluer l'importance qu'a eu ce mouvement dans la désescalade nucléaire observée au cours des dernières décennies et rappeler l'importance de continuer ce combat. C'est à Pugwash, en Nouvelle-Écosse, qu'est né le mouvement Pugwash lors de la désormais célèbre conférence de Pugwash en 1957. C'est dans la petite ville canadienne de Pugwash, en Nouvelle-Écosse, que Joseph Rotblat fonda en 1957 un mouvement antinucléaire au terme d'une conférence de scientifiques pour la paix. Le mouvement Pugwash a toujours œuvré depuis en faveur du désarmement nucléaire et la sensibilisation des savants face à leurs responsabilités et aux conséquences de leurs inventions. Rotblat, un physicien britannique d'origine polonaise, fut le premier scientifique dans les années 40 à quitter le projet Manhattan qui développa la bombe atomique. 50 ans après Hiroshima, le comité Nobel ne cache pas que son choix est politique et vise implicitement la Chine et la France qui poursuivent leurs essais nucléaires. En France, l'un des proches de Jacques Chirac, le député gaulliste Pierre Lellouche, qui a déjà fait partie du mouvement Pugwash, est aujourd'hui indigné. Je suis personnellement et en tant que spécialiste de ces questions, parfaitement scandalisé par le fait qu'une organisation dont on sait qu'elle a été manipulée par les Soviétiques ouvertement, soit ainsi récompensé aujourd'hui. Il est tradition que le comité Nobel suive un peu les modes. Cette fois-ci, c'est les modes antinucléaires. Le gouvernement français, lui, s'est contenté de féliciter Joseph Rotblat. Mais le premier ministre Alain Juppé a affirmé que l'attribution du prix Nobel ne modifiera en rien l'attitude de la France concernant ses essais nucléaires. Ici Hugues Poulain, à Paris. Le reportage d'Hugues Poulain au moment donc où Joseph Rotblat et le mouvement Pugwash se voient décerner le prix Nobel de la paix en octobre 1995. Pour nous rappeler le contexte dans lequel va naître ce mouvement, pour nous permettre aussi de mesurer l'importance qu'aura le mouvement Pugwash, je reçois Carl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, que je retrouve avec plaisir. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour Jacques. Quelle importance, Carl Bouchard, ont ces conférences? Il y en a une première en 57, mais il y en aura d'autres par la suite. Quelle importance ont ces conférences Pugwash et le mouvement Pugwash dans l'histoire du mouvement pour la paix, Carl? Oui, ben, je dirais qu'il y a, il y a trois raisons principales en fait, qui expliquent son importance. La première, ben, c'est que c'est une conférence qui a été influente hein, dans les actions internationales qui ont mené à la détente dans les années 60-70, notamment autour des questions techniques liées aux enjeux là, nucléaires et aux traités internationaux. C'est clair que les hommes politiques ont reconnu aussi cette importance-là, même si c'est un travail qui est discret. Je pense qu'on peut parler aussi d'une importance un peu plus symbolique hein, au moment là, aux sombres heures de la guerre froide, le fait qu'on retrouve des scientifiques de part et d'autre, des blocs idéologiques qui se mobilisent et qui se réunissent pour parler des enjeux mondiaux, c'est déjà, je trouve, un phénomène important. Et puis, ce qui est, je trouve, plus symbolique encore, c'est que c'est un enseignement aussi sur la responsabilité des scientifiques hein, qui ont réussi à créer une arme qui sert à détruire, qui peut potentiellement détruire l'humanité, mais donc ils ont ce devoir moral de tout faire pour préserver hein, les conséquences de leur découverte. Donc là, il y a quelque chose aussi de symboliquement très fort, à mon avis. Ouais. L'espoir, au fond, c'est au milieu de cette noirceur, ouais. Comme vous le disiez, de ce qu'a été la guerre froide, cet espoir incarné par ces scientifiques du monde entier qui se disaient ouais. il faut désamorcer littéralement cet armement qu'on a créé. Dans quel contexte, bon, c'est la guerre froide, mais plus largement que ça, dans quel contexte est organisée cette première conférence de Pugwash en 57? Oui. Ben, si on y va de façon un peu plus large, on sait, bon, on connaît les grandes dates hein, des événements nucléaires, en particulier cette bombe qui est celle de 1945. En août 45, première, donc, bombe nucléaire qui tombe sur Hiroshima puis sur Nagasaki. Bombe atomique, ça ouvre l'ère, justement, atomique. Et dès le début, la course commence. Hein. 45, les États-Unis ont leur arme. 49, les Soviétiques développent leur propre arme atomique. Et les scientifiques, eux, s'inquiètent s'inquiète tout de suite de la portée et du potentiel de destruction de ces armes. Alors, des scientifiques vont se regrouper dès 1945, 46, 47 autour notamment d'un groupe qui s'appelle One World or None et qui propose justement de contrôler l'énergie nucléaire, d'en faire une force de paix et non pas une force de destruction. Et dans ce groupe, il y a Albert Einstein dont on va reparler, mais il y a aussi évidemment Joseph Rotblat qui est le seul physicien, et l'extrait l'a évoqué tout à l'heure, qui a démissionné du projet Manhattan lorsqu'il a compris que même si l'Allemagne n'allait jamais pouvoir réaliser la bombe atomique, l'Allemagne nazie, les États-Unis continueraient, eux, à le faire. Et pour lui, c'était justement un signe que les États-Unis étaient maintenant entrés dans une autre échelle, l'échelle de la guerre froide, et il a démissionné de son poste. Et cette course à l'armement que craignent ces scientifiques qui, éventuellement, donc, vont se réunir à Pugwash en 57, cette course-là, elle va très, très vite. Elle commence après la Seconde Guerre mondiale. Ben, enfin, c'est ce qui met fin, vous le rappeliez, à la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki, et ça va très, très vite. Pour avoir une idée de ce que ça donne, très concrètement, cette course à l'armement, on écoute un film d'actualité qui vient de France, produit en 1954, et qui relate justement un épisode crucial de cette course à l'armement. La dernière explosion des Niwitok, le drame des pêcheurs japonais et le dernier discours d'Eisenhower sont trois points de l'angoisse atomique qui étreint aujourd'hui l'univers. Le film de la première bombe H, tourné lors de l'expérience de 1952 et jusqu'ici gardé rigoureusement secret, ajoute son témoignage à ce dossier d'apocalypse. C'est d'une distance de 50 km à bord d'un navire que l'explosion devait être commandée par radio. En quelques secondes, une boule de feu se gonflait jusqu'à atteindre 5 km de diamètre. Et aussitôt, un raz-de-marée couvrait les plages les plus éloignées de l'archipel. Les champignons s'élevaient rapidement. Il allait atteindre 38 000 mètres d'altitude, tandis qu'il se révélait à cette hauteur d'un diamètre de 105 km. Un hélicoptère envoyé en reconnaissance découvrait alors les effets de l'explosion. 700 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, cette bombe H détruirait sur un cercle couvrant Paris de Colombes à Joinville tout symptôme de vie. Et l'on sait depuis le drame des pêcheurs japonais que les dernières expériences ont dépassé les prévisions des techniciens. On en arrive à se poser la question, la fin du monde est-elle pour demain? La fin du monde est-elle pour demain? Ça fait sourire aujourd'hui, Carl Bouchard, mais c'est ça un petit peu l'état d'esprit, en tout cas de ces scientifiques qui s'inquiètent de cette course à l'armement. Ça va très, très vite. On va revenir sur le drame des pêcheurs japonais évoqué dans l'extrait dans un instant. Mais donc, 52, c'est une date importante. Première bombe H, bombe américaine, qui explose dans l'atoll de Bikini. Décrivez-nous à quoi ça ressemble très concrètement, cette course-là, cette course à l'armement au commencement des années 50. Ben, vous avez raison de le dire, hein. Je pense que c'est difficile de sous-estimer la peur, justement, qui se développe à ce moment-là, parce qu'on a effectivement une course. Hein. Donc, 45 premières bombes, 49, les Soviétiques ont leurs bombes également. Ce qu'on a évoqué là, c'est la première super bombe hein, de 1952, qui est beaucoup plus puissante, hein, 700 fois, on le dit dans l'extrait, mais jusqu'à 1000 fois plus puissante, une bombe à hydrogène, qui est composée en fait de deux bombes, hein, une bombe atomique qui provoque la fusion nucléaire à l'intérieur d'une deuxième bombe. Et donc, il y a un potentiel là de destruction qui est beaucoup plus important. Et en août 53, l'URSS fait exploser sa première bombe H. Et les Soviétiques réussissent, eux, à miniaturiser cette bombe, justement, pour qu'elle soit transportée en avion, ce que les Américains peuvent toujours pas faire en 1953. Et ce qu'on comprend par la suite, c'est qu'il suffit de rajouter des étages à cette bombe H qui devient une bombe thermonucléaire pour produire des bombes de plus en plus puissantes. Alors, en 54, lorsque les Américains font exploser leur première bombe dans l'atoll de Bikini, ce qu'on racontait dans l'extrait, justement, c'est que des marins japonais qui sont à 65 km de l'explosion sont irradiés. Et les retombées vont leur arriver dessus, là, 8 minutes après l'explosion à peu près. Et puis, chacun se met à tomber malade. Le 1er septembre 54, un premier marin décède des suites de l'irradiation. Et même si les Américains continuent à nier l'importance de l'irradiation, on apprend par la suite, et ce sera divulgué plusieurs années plus tard, qu'il y a près de 900 bateaux de pêche, en fait, qui ont été contaminés par cette explosion. Et donc, près de 20 000 marins japonais ont été frappé et touché par les retombées nucléaires. Donc, on est dans un contexte de fuite en avant qui inquiète considérablement les scientifiques. Ouais. Et ça va donner, ce contexte-là, un manifeste en juillet 1955, ouais. Un manifeste important, le manifeste Russell-Einstein, qui va conduire, en quelque sorte, 2 ans plus tard, à la première conférence de Pugwash en 1957. Ce manifeste-là, c'est à la suite de la diffusion d'une série d'émissions présentées par Bertrand Russell à la BBC, l'émission Man's Peril, le péril de l'humanité, son traduit. C'est cette émission-là, au fond, qui est le point de départ de ce manifeste. On écoute Bertrand Russell parler du contexte qui va conduire à la rédaction du manifeste, un manifeste que va signer Albert Einstein avec tout ce que ça veut dire de poids, de notoriété, de crédibilité. Écoutez bien l'extrait qui suit, c'est assez fascinant. Bertrand Russell, dans un documentaire de Serge Vita, réalisé en 1971. Then, the people who took this up, it was quite a successful broadcast. Said we must have a l'émission eut un beau succès. Alors les auditeurs dirent que des savants devraient faire quelque chose. Je me chargeai donc de réunir un petit groupe de savants qui pourraient signer ma déclaration et la patronner ensuite auprès d'un plus grand nombre. Et j'écrivis à Einstein. Einstein me répondit, « Je suis trop malade pour faire quoi que ce soit moi-même, il mourut très peu de temps après, mais vous avez mon appui pour tout ce que vous entreprendrez. » Je lui envoyais donc ma déclaration. Et avant d'avoir reçu sa réponse, je voyageais en avion entre Rome et Paris. Quand le pilote vint annoncer aux passagers qu'Einstein venait de mourir. Et je n'avais toujours pas sa réponse. À mon arrivée à Paris, sa lettre était là, qui m'attendait. C'était son dernier acte public. Il avait accepté de signer. Assez incroyable ce qu'on vient d'entendre comme histoire. À la toute dernière minute. Là. Mais il est là, il signe. La signature d'Einstein est donc incluse à ce manifeste-là. Il n'est pas le seul. Qui sont les signataires de ce manifeste important, Karl Bouchard? Oui, ben, en fait, ils sont 11 signataires. Et donc, mais c'est surtout leur poids, leur réputation et leur expertise qui épatent. Là-dessus, 8 ont obtenu un prix Nobel en sciences. Donc, c'est un parterre exceptionnel de signataires. Et puis, il faut rappeler aussi que Bertrand Russell, qui est dans l'extrait, là, il a 98 ans, hein? C'est un monsieur d'un grand âge. Il a été aussi prix Nobel, mais lui, prix Nobel de littérature en 1950. Donc, des signataires extrêmement prestigieux, mais parmi eux se trouve aussi un signataire qui aura une importance, c'est Frédéric Juliot-Curie, qui a été prix Nobel de chimie en 1935 avec sa femme Irène Curie, qui elle-même est la fille de Marie Curie, et c'est un des scientifiques français les plus en vue et surtout les plus engagés idéologiquement. C'est un communiste affirmé, et c'est lui qui va convaincre Bertrand Russell d'inclure dans le manifeste un point sur la nécessité de réunir les scientifiques, peu importe leur idéologie justement, au nom de la paix. Et même si Russell, au début, et puis même Joseph Rotblat, sont sceptiques quant aux chances de succès d'une telle rencontre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a cette invitation, donc, cette idée de réunir des scientifiques dans une conférence, ça se fera 2 ans plus tard à Pugwash en 57, mais sinon, que dit ce manifeste? Ben, le manifeste d'entrée de jeu, il appelle les scientifiques à se réunir en conférence. Et l'objectif, c'est d'évaluer, je le cite, d'évaluer les périls résultant du développement d'armes de destruction massive. Et puis de discuter évidemment des moyens de résoudre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que le manifeste se place tout de suite à un niveau de l'espèce humaine. Hein. Les signataires s'expriment en tant que représentants de la race humaine et non en fonction de leur nation, de leur croyance ou de leur idéologie. Et on invite les scientifiques, et ça c'est une phrase qui est restée aussi à penser d'une autre manière, donc à voir les choses différemment, à sortir de ce clivage idéologique. Et puis par la suite, le manifeste va évoquer les conséquences terribles de l'utilisation de la bombe H. On va faire une référence presque directe là, à l'affaire du bateau japonais irradié, du dragon chanceux. Et puis le manifeste pose la question centrale, je le cite, « Voici donc le problème que nous présentons, âpre, terrible et inévitable. Allons-nous mettre un terme à l'existence de la race humaine ou l'humanité renoncera-t-elle à la guerre? Les gens ne veulent pas faire face à cette alternative car il est très difficile d'abolir la guerre, mais pourtant il faut agir. » D'où leur projet de se réunir pour travailler à la réduction des armements et puis peut-être à l'abolition des armes thermonucléaires. Oui. Et puis, le manifeste se termine à la fin par une résolution au monde politique, mais une résolution qui serait restée lettre morte, qui est celle de ne plus utiliser de moyens belliqueux pour régler les différends, un peu comme on l'avait fait avec le pacte Briand-Kellogg à la fin des années 20. Oui. La conférence, elle aura lieu, donc la première conférence de Pugwash, elle aura lieu à Pugwash, cette petite ville de la Nouvelle-Écosse, en 1957. Presque exactement 2 ans s'étaient écoulés depuis la publication de la déclaration signée par feu Albert Einstein et envoyée par 8 collègues et moi-même afin de porter attention aux dangers auxquels l'humanité serait confrontée si une autre guerre mondiale devait éclater, avec la quasi-certitude d'une utilisation généralisée des armes nucléaires. Dans cette déclaration, nous avons insisté sur la nécessité pour les scientifiques compétents de rassembler en conférence certaines des véritables évaluations de ces dangers. Nous n'avons vu aucun changement fondamental de la situation au cours des 2 années qui se sont écoulées depuis la publication de cette déclaration. En fait, les stocks d'armes nucléaires ont augmenté. De nouvelles nations ont rejoint les rangs de celles qui fabriquent ces armes ou tentent de les produire. Le problème de la réunion de tous ces scientifiques n'a pas été facile à résoudre. Il était difficile de trouver l'heure et le lieu d'une réunion convenant aux scientifiques de toutes les nations. It was difficult to find the time and place of meeting convenient to scientists of many nations. Bertrand Russell, s'adressant aux délégués de la conférence de Pugwash en 57, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Bertrand Russell parle de la difficulté de trouver un lieu pour l'organisation de la conférence. Pourquoi Pugwash, Carl Bouchard? Ah oui, mais pourquoi Pugwash? Ben parce que l'appel, en fait, des scientifiques est entendu par un investisseur, un banquier né à Pugwash en Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Cyrus Eaton, un Canadien, qui a fait fortune dans le Midwest américain dans les années 20-30. Et il est littéralement interpellé par ce manifeste et puis propose de financer cette conférence de scientifiques à condition que la première rencontre se tienne dans la ville natale de Pugwash, dans un domaine qu'il a acheté à l'époque. Alors qu'il y a eu d'autres propositions, hein, autant en Inde qu'à Monaco, mais c'est à Pugwash que ça va se faire, notamment parce que la conférence a comme objectif d'être la plus indépendante possible du monde politique et le fait qu'il soit financé par un individu privé, eh bien, ça permet justement de garder cette indépendance. Ouais, pas de gouvernement, pas de participation gouvernementale sur le plan du financement. Exactement. À tout le moins. La conférence aura lieu, donc cette première conférence du 7 au 10 juillet 57. Qui est là? Eh bien, on a 22 scientifiques, en fait, qui se réunissent. Ils viennent d'une dizaine de pays. Le contingent américain est le plus important, mais on va compter aussi des Soviétiques, des Chinois, des Polonais. Le Canada a un conférencier. 3 viennent du Japon, hein, le Japon qui est le seul pays touché par la bombe atomique. Malheureusement, on l'a vu dans l'extrait, Bertrand Russell, pour des raisons de santé, hein, il a déjà 85 ans, ne pourra pas s'y rendre. Donc, 22 hommes qui se réunissent hors de tout cadre officiel, hein, dans le contexte de la guerre froide. Ce sont des scientifiques et leur objectif, c'est de parler de paix, trouver des solutions et puis surtout d'établir des règles pour les conférences qui vont suivre. Et ces règles-là, puis vous l'avez un peu évoqué, au centre de ces règles-là, l'idée d'être apolitique. Toute personne qui est invitée à participer à une conférence Pugwash le fait à titre personnel et non pas comme un délégué national. Donc, les coûts ne peuvent pas être financés, par exemple, par un État, les coûts de déplacement, les coûts de séjour. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on ne tient aucun procès-verbal. Mais les conférenciers, par contre, vont produire un rapport qui va faire état des discussions. C'est ce rapport qui sera rendu public et qui va devenir une pièce centrale là, de l'aventure Pugwash. Autre chose, la désignation des conférenciers se fait par cooptation. C'est-à-dire que personne ne peut invité à Pugwash. On est convié par les propres conférenciers de Pugwash. Donc, il y a tout un processus hein, qui se met en place, puis par la suite, les années passant, eh bien là, aujourd'hui, il y a toujours une conférence annuelle, effectivement, qui réunit entre 150 et 250 personnes, et puis par la suite, il y a des groupes de travail qui, eux, se réunissent pendant l'année. Et donc, c'est toujours un processus là qui continue depuis 59 et encore aujourd'hui, avec un secrétariat général qui est maintenant à Londres. C'est devenu une organisation internationale non gouvernementale. Ouais. Bon, parlons de ce que ça va donner, du degré d'influence qu'aura cette conférence. dans ce groupe de Pogwash, parce que c'est intéressant d'être apolitique. Mais en même temps, être apolitique, ça veut dire que techniquement, on fonctionne en dehors du cadre politique avec tout ce que ça peut vouloir dire de soutien. Est-ce qu'on a pu, au fil du temps, mesurer l'impact, s'il y a eu un impact, de quelle grandeur, de quel ordre a été cet impact sur les politiques? Oui, c'est un impact, en fait, qui est effectivement difficile à pondérer. On reconnaît aujourd'hui que l'influence de Pogwash a été déterminante, notamment pour les questions techniques. Hein. Ce sont des experts qui se rencontrent, des scientifiques, et au niveau technique, il y aura un effet. Certains hommes politiques ont évoqué directement l'influence de Pogwash. Par exemple, Robert McNamara, qui a été secrétaire à la défense américain pendant la guerre du Vietnam, a dit qu'en 1996, par exemple, que Pogwash avait servi de canal de communication qui a mené aux premières discussions entre les États-Unis et le Nord-Vietnam, par exemple, en vue de la conclusion de la paix au Vietnam. Donc, un rôle d'intermédiaire qui est très reconnu aujourd'hui. Mais Pogwash a été aussi à l'avant-plan pour l'établissement, par exemple, de systèmes de surveillance collectif fondés sur la détection des essais nucléaires. C'est Pogwash qui, grâce à ses interventions, a facilité aussi les négociations d'une somme de traités, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, le traité de non-prolifération en 68, la convention sur l'interdiction des armes biologiques, celle sur les armes chimiques en 93. Donc, des effets beaucoup plus là, concrets dans la rédaction de traités. Et puis même jusqu'à les années 90, hein, Mikhail Gorbatchev, qui a dirigé les dernières années de l'Union soviétique, a dit que cette idée-là de penser autrement avait été pour lui une des pierres angulaires de sa réflexion sur la perestroïka et sur le glasnost, hein, quand il est arrivé au pouvoir. Donc, et certains des conseillers de Gorbatchev avaient participé à des conférences Pogwash. Donc, c'est une influence qui est discrète, hein, qui est diffuse, mais qui a quand même une réalité, hein, dans les réalisations. Et aujourd'hui, Carl Bouchamp, on termine là-dessus, mais qu'est-ce qui reste maintenant que la guerre froide est derrière nous, que la menace nucléaire est, enfin, moins présente dans nos esprits, en tout cas quotidiennement, qu'est-ce qui reste de ce mouvement Pogwash? Ben, comme toujours, une fois la guerre froide passée, il faut se remettre en question. Le prix Nobel en 95, c'est un peu le signe justement de l'achèvement d'un cycle. Maintenant, Pogwash se renouvelle, hein, donc doit se réinventer, notamment en travaillant toujours autour du péril nucléaire, bien entendu, hein, qui est loin d'avoir disparu. On le voit avec le dossier iranien, par exemple. Mais ils vont beaucoup travailler aussi sur les armes chimiques et biologiques. On va se préoccuper aujourd'hui d'enjeux beaucoup plus vastes liés à la sécurité internationale, mais surtout à la question environnementale, par exemple. Et on va essayer de diversifier aussi le groupe en allant au-delà des simples scientifiques et puis en allant chercher des gens hors du cercle traditionnel. Carl Bouchard, c'était un bonheur de vous retrouver à ce micro, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal. Merci, Carl. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.